On va parler des tests d'habileté, les combines qui avaient lieu en fin de semaine à Indianapolis et les combines de la NFL. Si vous avez NFL Network, vous avez été en mesure de synchroniser ça, mais il y en avait un pour le Journal de Montréal qui était sur place et le Journal de Québec, c'est Stéphane Cadorette. Salut Stéphane! Salut. Stéphane, est-ce que c'est fun pour un journaliste couvrir les combines? C'est super le fun, mais peut-être pas pour les raisons que tu imagines. J'imagine que tu me poses la question en me disant c'est-tu le fun, les sprints un après l'autre de 40 verges, puis les épreuves d'habileté, puis tout ça. Pas vraiment. C'est redondant, là. Moi, j'ai toujours trouvé ça, puis je trouve qu'on accorde une importance peut-être un peu trop grande au combine. Là où c'est intéressant pour un journaliste comme moi, attitré à la NFL, tout le monde est là. La planète NFL est là. Les dépisteurs, les DG, toutes les équipes. T'sais, moi, ça m'a permis, par exemple, de rencontrer le DG des Buccaneers, Jason Leach. Okay. Il a pu me parler d'Anthony Auclair, de sa première saison dans la NFL. Donc, okay. C'est une belle rencontre. Ça permet de rencontrer tous les prospects parce que faut se dire une chose, il y en a quelques-uns qui vont aller au repêchage en avril, mais c'est pas comme au hockey. Là. Ils sont pas 200 dans l'aréna puis ils attendent d'être repêchés. Au football, il y a une poignée de jeunes espoirs qui sont invités au repêchage, là, tu sais, entre 20 et 30 habituellement. Okay. Puis tu sais, c'est pas nécessairement ceux-là que tu veux voir, tu sais, comme hier, par exemple. En fin de semaine, c'est-à-dire d'avoir pu jaser avec Shaquem Griffin. Oui. C'est quand même toute une histoire, là. On pourra en reparler si tu veux, mais c'est toute une histoire. Ça te permet de rencontrer tous les espoirs sur place, de faire des histoires un peu différentes de ce que tu peux faire au repêchage. Donc, pour ça, pour l'accès aux joueurs, pour l'accès aux équipes, une couverture qui est vraiment agréable. Ah, OK. Dis-moi, c'est gros parce que, quelque part, c'est pour donner du contenu à NFL Network. C'est un peu ça, là. Puis, eux sont en direct. Donc, c'est un peu pour ça. Dis-moi, Stéphane, je lisais dans les journaux que le cœur de Wyoming, c'est lui qui avait fait les meilleurs steps, comme qu'on pourrait dire, les meilleurs tests d'habileté. Est-ce que lui, là, le fait qu'il a remporté les tests d'habileté selon les experts, il va devancer Rosen et Darnold au repêchage ou encore faut en prendre, en laisser de tout ça? Là? Ben, faut en prendre et en laisser, surtout que ben après, ça devient des évaluations personnelles. Ouais. Déjà, Josh Allen, c'était évident qu'il allait super bien faire au combine. Pourquoi? Parce qu'on savait à l'avance qu'il y avait un bras fantastique. T'sais, c'est de loin le bras supérieur de cette cuvée de corps arrière-là. Puis là, quand je te parle de bras, je suis pas en train de te dire que c'est le meilleur corps arrière. Okay. Simplement qu'il a le bras largement le plus puissant. Donc, dans des exercices où tu t'en vas passer relax, en short, en t-shirt, qu'il n'y a pas d'opposition devant toi, ouais. Que tu n'as pas la vue voilée par des linemen défensifs de 6 pieds 6, là, c'est sûr que ça va bien aller. Maintenant, c'est de le voir dans un contexte de match, parce que là, ce qu'on dit de Josh Allen, puis si ça prend pas des experts pour voir ça, va voir ses statistiques, tu peux le voir facilement. 56% de passes complétées à Wyoming, qui est pas nécessairement un gros programme qui fait face à une grosse opposition. Mm. Donc, tu te dis, est-ce que c'est ça que tu veux dans la NFL? Est-ce qu'il va être capable de transposer ses habiletés athlétiques, son bras canon, sa mobilité dans la NFL? C'est ça la grande question. Donc, pour en revenir à ta prémisse de départ, est-ce qu'il va être repêché? Est-ce que cette performance-là peut l'amener à être repêché devant, par exemple, Josh Rosen? Sur le plan complet, là, sur l'ensemble du portrait, a été un corps arrière beaucoup plus accompli sur la scène universitaire. C'est une bonne question, ça dépend des équipes en tête de peloton, parce que les corps arrière vont sortir tôt pour repêcher. Ben, on parle qu'il va y en avoir jusqu'à 5 qui pourraient sortir en première ronde. Cette année, c'est une bonne cuvée. C'est une des bonnes années là, d'un repêchage. De mémoire, puis ça, tu l'as écrit en fin de semaine, je pense, ça va être... c'était 4. Il y a eu une année 6 carrière, je pense, en première ronde. Mais c'est dans les bonnes années. Oui, c'est ça. Il y en a 4, là, assurément, qui vont sortir en première ronde, à moins d'un miracle. T'sais, on sait jamais. C'est arrivé des années qu'on pensait qu'un tel serait repêché puis qu'il glissait, là. Mais la prévision facile, c'est de te dire qu'il y en a 4 qui sortent. Il y en a 2 autres là, qui sont à la limite, là, disons, là, qui pourraient être en fin de première ronde ou qui vont sortir plutôt en deuxième ronde. Ça dépend. Là, tu regardes un prospect comme Lamar Jackson de Louisville, c'est un athlète phénoménal. Tu sais, il y a des comparaisons avec Michael Vick, mais au niveau de ses habiletés de passeur, on n'est pas sûr, on n'est pas convaincu. Il n'y a rien fait pour convaincre nécessairement en fin de semaine que c'est un passeur précis et constant. Ça, ça se développe chez certains athlètes. Il y a d'autres fois que ce que tu vois au niveau universitaire, ben, c'est déjà le plafond. Donc, ça reste à voir. Mais il y a une équipe qui peut tomber en amour totalement avec un gars comme Lamar Jackson en se disant, écoute, des carrières mobiles, tu peux faire ce que tu veux avec ça. On va adapter notre système autour de lui. Donc, ça reste à voir à quel point une équipe peut être désespéré et tomber en amour avec un athlète comme ça, mais sinon, je te dirais que avec Sam Darnold, Josh Rosen, Josh Allen et Baker Mayfield, t'as 4 choix de première ronde là, à toute fin pratique assurée. Mayfield, ce qu'on dit de Mayfield, c'est un joueur quand même, il y a une énigme hein, dans le cas de Baker Mayfield. C'est sa grosseur, écoute, on le compare à Russell Wilson, donc c'est sa grosseur qui fait, puis son attitude aussi, c'est énigmatique, c'est un gars énigmatique. Par contre, tu peux pas gagner l'Iceman sans avoir un peu de talent là. Ben, je trouve que tu le décris bien, puis tu utilises le bon mot énigmatique. Tu sais, c'est un joueur, c'est dans ce repêchage-là, il y a toujours des joueurs où tu sais, il y a des doutes. Ça, c'est normal. On est rendu à quelques semaines du repêchage à fin avril. Puis, d'ici au repêchage, tout ce que tu vas voir, c'est le négatif qui ressort de chaque joueur. Hein, parce qu'on commence à chercher des poux, on analyse, on suranalyse. C'est trop long, la période qui mène jusqu'au repêchage. Mais pour revenir à Mayfield plus précisément, c'est de loin le joueur le plus polarisant de cette cuvée du repêchage. Pourquoi tu l'as mentionné? Mesure à peine un peu plus de 6 pieds. Dans le monde de la NFL, il n'y en a pas beaucoup des corps arrière comme ça. Je te nommerais Russell Wilson, Drew Brees. Tu le fais. Drew Brees aussi. Ouais. Drew Brees, il y a Tyrod Taylor qui est pas très grand. J'ai pas la mesure exacte, là, mais il est pas très grand non plus avec les Bills. Il y en a là, des exemples qui fonctionnent, mais les exemples qui fonctionnent pas sont beaucoup plus nombreux. Par contre, tu l'as mentionné, Mayfield, un talent extraordinaire. Lui, il s'est auto-décrit en fin de semaine comme le corps arrière le plus précis du repêchage et de loin. Les soins d'ajouter. Là. Ouais. Donc, c'est son atout, ça c'est évident, puis c'est un gagnant. C'est un gars qui, dans les grands moments, a le don d'être là. Tu te souviens d'un... Je veux pas faire des comparaisons boiteuses, mais tu te souviens de Thibault, par exemple? C'est ça. Mais là, il y a son attitude après. Il y a beaucoup d'équipes. Lui, il s'est dit confiant, pas arrogant. Il y a beaucoup d'équipes qui disent que c'est de la foutaise, que c'est un gars totalement arrogant et lui de lui-même, et que ça les effraie un peu. Reste à voir à quel point ça peut déranger dans son évaluation, là, mais je pense qu'il devrait sortir très très haut au repêchage. Dis-moi, parle-moi en terminant de Griffin, ce joueur qui donc un handicap. Lui, c'est vrai, c'est quelque chose de vraiment vraiment intéressant, Shaquem Griffin. Exactement, Shaquem Griffin, écoute, il est né avec une déformation à la main. C'est une maladie qui a pogné vraiment au stade d'embryon. Là, tu peux rien faire pour ça. À 4 ans, les doigts se développaient toujours pas à sa main gauche. Ça lui faisait tellement mal. Écoute, c'est un peu graphique ce que je vais dire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Sa mère l'a trouvé un soir, qui s'est levé de son lit à 4 ans, dans la cuisine. Il a pris un couteau, il a essayé de se couper les doigts pour en finir de la souffrance, tellement il avait mal, donc. Les parents ont fait ni une ni deux. Le lendemain, il se faisait amputer la main gauche. Écoute, il n'y en a pas là des joueurs à une main dans la NFL. Non. C'est du jamais vu. C'est ça. Il est secondaire à UCF, Central Florida. Tout un joueur de football. Mais là, les gens se posent la question, est-ce qu'il peut réussir au prochain niveau? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Puis on sait pas trop non plus, parce qu'à 225 livres environ, est-ce qu'il va être trop petit pour être un secondeur? Est-ce qu'on va essayer de le déplacer comme maraudeur dans la tertiaire? Il y a des questions là qui demeurent à son sujet, mais il a fait toute une démonstration en fin de semaine. Écoute, 20 répétitions au bench press, 20 fois 225 livres. C'est quelque chose pareil. Les gens vont dire comment il a fait à une main. Là, il y avait une prothèse là du côté droit. Mais quand même, pense-y 2 secondes. C'est phénoménal. Un sprint de 40 verges de 4.38 secondes. le plus rapide chez les secondeurs depuis 2003 au Combine. Okay. Donc, c'est pas rien. Puis encore là, faut en prendre et en laisser au Combine. Mm. Les chiffres, là, vous allez en voir de toutes sortes de couleurs, les chiffres. Faut prendre ça avec un grain de sel. Mais dans le cas d'un joueur comme Griffin, dont les gens se posaient toutes sortes de questions, avec des démonstrations aussi athlétiques, il est venu répondre à plusieurs de ces questions-là. Donc, je suis à peu près convaincu qu'il va sortir plus haut qu'on pensait au repêchage. Je te dis pas que ça va être un choix de première ronde, là, pas du tout. Mais on parle de troisième ronde. C'est ça. À partir de la troisième ronde, ça va commencer à être un choix logique. Ça pourrait devenir un joueur qui prend un peu de temps à faire son chemin dans la NFL, qui commence par être un as des unités spéciales, parce qu'avec une vitesse et une force comme ça, c'est le prototype parfait pour aider sur les unités spéciales. Mais je suis convaincu qu'avec le cœur puis le moteur de ce type-là, on va en entendre parler dans la Grande Ligue avant longtemps. Effectivement. Stéphane, je vais te laisser parce que tu dois prendre ton avion. Bon retour au Québec et on se reparle probablement pour l'ouverture du marché des joueurs autonomes, sinon le repêchage. Merci beaucoup, Danny. C'est toujours le fun. Stéphane Cadorette du Journal de Québec et de Montréal, que vous pouvez lire ses excellentes chroniques sur les combines.